Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est On The Rocks. It's Christmas time. So hang your star on top of my tree. Tonight, babe, it's just you and me. We'll go to bed long before midnight. So come on, baby, it's Christmas time. It's the end of the year. Come sit. It's Christmas time. Yeah, come on, baby. It's Christmas time. Yeah, come on, baby. Christmas time. And I say, I tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down and said, Bonsoir, vous êtes bien dans On The Rocks, c'est Manu qui vous parle. Comme tous les lundis soirs de 19h30 à 21h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, www.ontherocks.net, en rediffusion sur ZEF à Blois. Et c'est la dernière émission de la saison. Des messages contradictoires pour commencer cette émission d'On The Rocks ce soir, puisqu'il y a eu Gaspard Royon d'abord qui nous disait « Allez baby, c'est Noël, come on baby, it's Christmas time », contredit immédiatement par Pearl Jam et oui c'était eux avec « Don't Believe in Christmas », une reprise d'un titre des Sonics, puisque les Pearl Jam, au long des ans, depuis leur début de carrière, il y a presque 30 ans maintenant, eh bien ils ont livré des singles de Noël, eh bien ils sont téléchargeables maintenant, ces singles de Noël de Pearl Jam. On peut les avoir si vous aviez loupé les petits 45 tours au départ qu'ils sortaient. 2020 sera assurément une année Pearl Jam, puisqu'ils seront en concert le 19 juillet à Paris. J'y serai. Ils sortent donc ces singles de Noël qu'on peut télécharger juste avant 2020. Et puis en 2020, nouvel album et donc nouvelle tournée. C'est la fête pour les fans d'Eddie Vedder et du groupe. Mais ce soir, dans On The Rocks, on ne va pas parler de 2020, on va parler justement de 2019, puisque ça va être un spécial best-of. On va regarder dans le rétroviseur. Et pour la 27e année consécutive, je vais vous proposer ma petite sélection vraiment subjective des meilleurs morceaux de l'année qui vient de s'écouler. Vraiment subjective, hein. Il n'y aura pas de Lampal, il n'y aura pas de Roméo Elvis, il n'y aura pas d'Angèle, il n'y aura pas de rap. Voilà, tout ce qui marche énormément en ce moment en France, bah moi ça va être un petit peu plutôt les goûts d'On The Rocks. Eh bien j'espère que ça va vous replonger dans des beaux souvenirs de l'année passée, ou peut-être vous faire découvrir des choses à mettre au pied du sapin. C'est Sujvan Stevens qui nous accompagnera en fond musical avec son petit coffret de musique de Noël un peu crétine qu'il avait sorti il y a quelques années. Ah, sacré Sujvan. Alors toujours difficile de choisir les meilleurs morceaux de l'année 2019. Ben je me suis replongé dans mes playlists et puis ben je me suis rendu compte que l'année avait commencé en hiver, au mois de janvier je crois, 2019, donc au tout début de l'année, avec un album qui aurait pu paraître anecdotique. Album français, chanté en anglais, par un duo qui s'appelle Pyjama, P-I, plus loin J-A, plus loin M-A, emmené par une chanteuse qui s'appelle Pauline. Alors c'est faussement ingénu, c'est délicieusement 60s, un peu acidulé, un petit peu bonbon. Et pourtant, cet album, pour moi, est un des albums les plus frais et qui contient les meilleures chansons. Il n'y a pas un mauvais morceau sur cet album de Pyjama. Tout évidemment lorgne du côté des 60s, un peu yé-yé, mais à l'anglaise. Qui faisait rêver donc dans les années 60 d'un monde un peu plus sucré, mais ils le font très très bien et puis les morceaux sont vraiment fabuleux. On va se passer peut-être un des tubes de cet album. Il aurait dû faire un beaucoup plus gros succès cet album, donc on va essayer de réparer ça ce soir. Le morceau donc de Pyjama qu'on va se passer, ça s'appelle Ponytail et moi c'est un morceau qui me met en joie. Voilà, depuis un an que je l'écoute et je vous conseille vraiment vraiment cet album. Je vois pas comment on ne peut pas aimer l'album de Pyjama. C'est un des meilleurs albums, des tout meilleurs albums de l'année. Alors là c'est sucré, après ça va être un peu plus rock'n'roll et puis la deuxième partie de l'émission ça sera beaucoup plus tranquille. Voici donc le premier morceau de ma sélection des meilleurs albums et meilleurs moments de 2019. Pyjama Ponytail. I woke up this morning with a ponytail. My bed was moving, I didn't feel well. I heard my hand talking to my hand. She told her she was a very special hand. I don't I don't know why you're grown, but I don't know where I'm funny face when he or she was caressing my hand. I just wanted to get out of this place. I forgot my shoes, but I didn't care. I don't know. C'était Pyjama dans On The Rocks, un des meilleurs albums de l'année 2019, parce que ce soir, pour la dernière émission de 2019, bah c'est un peu le thème ce soir, voilà, les meilleurs moments de 2019. Alors lui, il nous avait déjà un petit peu attaqué en 2018, à l'été 2018, à la Sardine, au bord de l'eau, au bord de la Loire. Il avait livré un concert absolument fabuleux et je m'étais dit oulalalala, et j'étais retourné le voir à Blois et je m'étais dit oulalalalala, et il a sorti son premier album solo après avoir été le guitariste d'FFF, après avoir été le guitariste de Johnny Hallyday, après avoir été le batteur et le chanteur de Mud, eh bien il a livré son premier album solo. Je suis retourné le voir il y a pas longtemps à Paris. C'était peut-être le moins bon concert des trois, mais en tout cas sur scène, eh ben ça m'a vraiment été une grosse claque de 2018 et 2019. Et puis l'album tient vraiment vraiment la route, un peu plus produit, un peu moins rentre dedans que le live, mais vraiment un très bel album. Il y a un morceau qu'il chantait en anglais d'abord sur scène, Yarol, puisque c'est de lui dont il s'agit et c'est vraiment un des meilleurs moments de l'année 2019. Eh bien il a demandé à Benjamin Biolay de lui écrire des paroles en français et ça donne ce morceau qui est peut-être évidemment le morceau qui ouvre, en tout cas ça c'est sûr, le premier album solo de Yarol, Poupeau, mais également un morceau, un des pics de l'album et un des meilleurs moments de cet album qui est déjà lui un des meilleurs moments de 2019. Vous me suivez ? C'est un peu compliqué. Voici donc Yarol, un morceau qui pour faire danser les abeilles, ça s'appelle Sale. Je demande amende honorable. Stay Harold, donc tiré de son premier album solo et qui fait partie vraiment des meilleurs moments de 2019. Si vous avez l'occasion d'aller le voir sur scène, courez-y, c'est vraiment bien. Et puis vous pouvez toujours fouiller un petit peu plus en réécoutant sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale la grande interview qu'il avait eu la gentillesse de m'accorder, c'était lors de son passage à Blois. Voici donc un autre grand moment de 2019. Alors il y a des moments qui ne trompent pas, c'est quand on écoute la radio, qu'on est un peu assoupi, qu'il y a une sorte de ronron, et puis tout d'un coup il balance un morceau, et là on monte le son, on a les yeux qui s'écarquillent, on se dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est quand même super super bien, et puis on attend la fin du morceau, on se dit tiens ça ressemble à ça, ah ça ressemble aussi un peu à ça, et puis le morceau bah, nous rentre dans la tronche immédiatement, et on sait déjà que ça sera un des morceaux préférés de l'année, et ben voilà. Ça ne ment pas ce genre de moment-là, puisque ce morceau qui s'appelle Now That You're Gone, la première fois que je l'ai entendu à la radio, c'était sur France Inter, dans l'émission de Decaune, je crois. Allez, on passe un disque, paf, et ben je suis vraiment tombé en amour, comme disent les Québécois. L'album est sorti un peu après, qui est très très bon, mais vraiment cette chanson est la meilleure de l'album. C'est les Raconteurs, le retour du groupe de Jack White et de Brendan Benson, qui ont donné un concert à Paris. Et oui, Duchon n'y était pas, je sais. C'est un peu dur, mais on sera à Pearl Jam, on va se rattraper. Eh bien, ce morceau, Now That You're Gone, était vraiment, vraiment une pépite. Et c'est une pépite qu'on se repasse ce soir, car ce soir, ce sont les meilleurs moments de 2019. Bienvenue dans The Rocks. That you're gone. Under somebody new, well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Now that you're gone. Now that you're gone. And what will you do now you're all alone? Who's gonna keep you warm out there in the cold? At sea. And who's gonna love you if it isn't me? Never known such unhappiness. Never thought it would end like this. Oh, what will I do now that you're gone? Now that you're gone. Now That You're Gone. C'était évidemment les Raconteurs, tiré de leur album qui est sorti en 2019 et qui était vraiment une pépite de 2019. Voilà, moi j'ai une légère préférence pour Brendan Benson, mais quand même la guitare de Jack White, c'est quand même pas mal non plus. C'était un morceau donc annonciateur de l'album, il est sorti en premier et voilà, on s'est dit oulala, ça va être bien. Et ben il arrive exactement la même chose, mais plutôt à la fin de l'année, avec un groupe français qui a cassé la baraque avec son album, qui à mon avis est vraiment vraiment un des tout meilleurs albums de l'année. Sur les Raconteurs, s'il y a un ou deux titres que j'aime pas trop, et enfin que j'aime pas trop, que j'aime moins, là il y a quand même, il y a un titre je crois que j'aime pas vraiment sur cet album, mais tout le reste, je trouve ça vraiment très très bien. Ce sont les Français de Last Train qui sortent donc leur deuxième album en 2019. Et là, vraiment, un grand pas est franchi. On en a beaucoup beaucoup parlé dans On The Rocks. On s'est beaucoup diffusé des extraits de cet album. Et on en a également parlé avec eux. Il y a une interview à retrouver sur ontherocks.net où ils nous expliquent ça en long et en large et en travers. Voici donc Last Train avec The Idea of Someone, morceau qui m'avait fait bondir de joie lorsque je l'avais entendu, et je m'étais dit là, il se passe vraiment quelque chose pour ce groupe, une étape est franchie, confirmation avec l'album The Big Picture qui était sorti ensuite, mais le premier contact que j'ai eu avec Last Train en 2019, c'était ceci. C'était la Strain à l'instant avec le morceau qui annonçait leur album en 2019, car ce soir dans The Rock, c'est le best-of 2019. C'était The Idea of Someone, donc, et des morceaux annonciateurs d'albums. Il y en a eu un autre d'un très bel album. Alors, un album un peu trop rempli à mon avis, c'est-à-dire que la première moitié de l'album est imparable, il n'y a quasiment rien acheté, et puis plus ça avance, plus ça devient un petit peu vocodeur, un petit peu moins bien, on va dire. C'est l'album des Vampire Weekend, mais le premier morceau qui est sorti était un morceau très apaisé, assez long, assez surprenant pour Vampire Weekend, qui nous avait habitué plutôt à des morceaux un peu percussifs. Ça se dit percussif, on va dire oui. Un petit peu world, mélange de world music et de guitare sautillante. Eh bien, ils étaient revenus donc avec ce morceau qui s'appelait Harmony Hall, qui est vraiment la pop song parfaite pour moi. C'est un des meilleurs morceaux hors album de l'année, imparable. Donc voici donc Vampire Weekend, Harmony Hall. Et si vous aimez ça, eh ben à signaler que si vous avez vos places pour Pearl Jam le 19 juillet à Paris, eh bien la programmation commence à s'étoffer et il y aura Vampire Weekend ce même jour, le dimanche 19 juillet à l'Hippodrome de Longchamp, juste avant Pearl Jam. Voici donc Vampire Weekend avec Harmony Hall, et ça me fait beaucoup d'effet également. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free, all that questioning, but every time a problem ends, another one begins, and the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Like a young pretender, beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender, 'cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. C'était Vampire Weekend avec un des meilleurs morceaux sur un des meilleurs albums de 2019. C'était Harmony Hall, un petit mélange de, bah voilà, d'exotisme de Paul Simon et de popotin qui chaloupe, on va dire. Ils seront donc en concert le 19 juillet avec Pearl Jam. Ce sera à l'hippodrome de Longchamp. Est-ce que le concert sera bien? Vampire Weekend en concert, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu, je peux pas vous dire. Par contre, en 2019, il y a eu des concerts assez fabuleux et un qui me reste en mémoire, c'est celui de Michel David and the Gospel Sessions, c'est-à-dire une chanteuse black avec des cheveux, mes amis, mais alors incroyable, et surtout une voix incroyable, toute petite bonne femme qui pourrait presque faire oublier la regrettée Sharon Jones, comme il le dit sur le site de l'Astrolabe. Et bien, elle est passée dans le club de l'Astrolabe avec des musiciens blancs derrière, ils sont suédois, je crois, mais vraiment, cette voix et cette présence sur scène et puis ces morceaux, ça a vraiment été un des meilleurs concerts pour moi de l'année 2019. Et bien, chanceux que vous êtes, elle revient à l'Astrolabe, ce sera au mois de mars. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Cette fois, ce sera pas dans le club, mais dans la grande salle, donc ça risque d'être très chaud. Moi, malheureusement, je ne serai pas sur Orléans ce week-end-là, donc j'enrage. Mais ne loupez pas ce concert de Michel David and the Gospel Sessions, et tout le concert vous ravira, et peut-être encore plus ce morceau, qui vraiment en concert prend une ampleur absolument magnifique. C'est Taking It Back. Évidemment, ça n'invente rien. Évidemment, ça lorgne du côté de la soul et du rhythm and blues des années 60, mais ils le font tellement bien. C'est vraiment du bonheur en tube, ce concert. Allez-y. Alors là, on va se passer la version studio de l'album qui est sorti en 2018, lui, mais vraiment, sur scène, ça prend de l'ampleur. Voici donc Michel David and the Gospel Sessions, un des meilleurs morceaux de 2018, mais un des meilleurs moments de concert de 2019. Michel David. And the Gospel Session, c'était Taking It Back. Et ça, vraiment, vraiment, allez les voir en concert. Vraiment, s'ils passent à côté de chez vous, en tout cas, ils passent à l'Astrolabe à Orléans, ce sera au mois de mars. Voici encore une demoiselle qui a marqué mon année 2019. C'est la chanteuse du groupe The Regrets. Pas très connue par chez nous, pas très connue nulle part d'ailleurs, mais un album qui s'appelle How Do You Love. Un album de punk réjouissant, de punk sautillant et effronté, mais avec des mélodies imparables. On s'est passé ce morceau qui était Dress Up, qui était le coup de cœur, et puis on s'est visité 5 ou 6 morceaux de l'album. On va continuer de le faire en 2020. Mais vraiment, cet album des Regrets, si vous voulez avoir la patate, il faut vraiment vous le procurer. Voici donc le morceau Dress Up, et c'est vraiment pour moi un des tout meilleurs moments de l'année 2019. The Rock, c'est la spéciale dernière émission de 2019, avant les cotillons, avant le réveillon, avant la dinde au marron, avec Suzanne Stevens derrière et ses petites chansons de Noël, mais surtout avec les meilleurs moments de l'année 2019 qu'on s'est visité dans The Rock, c'est qu'on se revisite ce soir, un peu de nostalgie, mais déjà tourné vers l'avenir et 2020. Oui, oui, oui, oui, oui, que c'était bien ce morceau de The Regrets avec Dress Up, et puis voilà quelqu'un qui est revenu. Alors, je m'attendais plus à grand chose de la part de ce monsieur dont j'ai été absolument fanatique dans les années 80. Voilà, il a ressorti des bons albums, il a ressorti des albums un peu lénifiants et un peu prétentieux, comme il sait l'être parfois. C'est Joe Jackson, pas le papa de Michael Jackson, non, Joe Jackson, le chanteur anglais qui a commencé en faisant du punk, mais comme il le dit lui-même avec beaucoup de modestie, j'ai été un peu surqualifié pour le punk. Et donc, il a visité tout tous les styles musicaux, eh bien il est revenu avec un album qui faisait plaisir à entendre cette année. L'album s'appelait Fool, c'était au début de l'année 2019. Et en particulier ce morceau qui s'appelle Fool, comme le nom de l'album. Et sur ce morceau, ben il réussit, comme il l'a fait toute sa carrière sur différents albums, mais là c'est sur un même morceau, à se visiter plein de styles musicaux à l'intérieur du même morceau. C'est-à-dire, on entend des chants de marins, on entend de la musique orientale, il y a le break de salsa le plus jubilatoire de l'année dans ce morceau, et puis il y a quelques petites arrogances punk au début. Voilà, vous mélangez tout ça et ça donne le morceau de Joe Jackson qui s'appelle Fool et qu'on écoute maintenant dans On The Rocks. Vous êtes sur le 96.2 et vous avez bien raison. Tiny boy, hey ho, the wind and the rain. A foolish thing was nothing but a toy. Rain, rain every day. Rain, rain, go away. Rain, rain, rain, rain, rain. Fool kicks off the carnival. Wise man goes to church. Fool fucks up the funeral. No respect. Well, what did you expect? Tiny witch. Hey ho, the wind and the rain. Better make sure that he uses it. Rain, rain every day. Rain, rain, go away. Rain, rain, rain, rain, rain. Fool kicks off the carnival. Wise man goes to church. Fool fucks up the funeral. Zapata. C'était Joe Jackson avec le morceau Fool tiré de l'album Fool, comme ça on... ouais, il s'est pas foulé. Ah oui, parce que 2019 c'est aussi un peu l'année de l'humour. Voici quelqu'un qu'on a eu aussi plaisir à retrouver, en tout cas moi, beaucoup de plaisir à retrouver, et forcément, lorsqu'on a été, alors j'ai été fan de Joe Jackson dans les années 80, mais j'ai été encore plus fan de Bryan Adams. Alors c'était avant Robin des Bois, avant la Guimauve, il avait sorti un album qui s'appelait Reckless, je devais avoir 12-13 ans, et ça a été un choc incroyable, je n'écoutais plus que ça, et puis l'album Cuts Like a Knife qui précédait était vraiment pas mal, l'album Into the Fire qui suivait était vraiment bien aussi, et donc pendant 2-3 ans, 4 ans, Bryan Adams est devenu mon chanteur préféré, j'étais même au fan club de Bryan Adams. Et puis ensuite il a sorti des albums un peu plus commerciaux, il a explosé partout, il a dans le monde avec des chansons un peu plus guimauve, et puis il s'est un petit peu perdu, et moi aussi je l'ai un petit peu perdu, le pauvre Bryan. Et eh bien il est revenu cette année avec un morceau qui s'appelait Driving Under the Influence of Love, tiré d'un album vraiment sympa. Alors un album très schizophrénique, c'est-à-dire que l'album commence, un ou deux morceaux, on se dit voilà, c'est encore du surproduit sous vide Bryan Adams, un petit peu ce qui a fait son succès, et puis paf, à partir du troisième morceau, et ben ça devient un album de rock comme il savait si bien le faire dans les années 80. Et la moitié de l'album, le milieu de l'album est vraiment génial. Et puis paf, à nouveau un duo avec Beyoncé un peu pourri. Et puis la fin de l'album un peu guimauve, sauf le dernier morceau acoustique avec la reprise de Whiskey in the Jar, morceau traditionnel irlandais qui là relance un petit peu l'intérêt de l'album. Mais vraiment très étrange. En tout cas pour une moitié sur cet album, on retrouve le Bryan Adams décomplexé avec un son plutôt qui cru et plutôt un son qui lui allait très bien autrefois. Voici donc un morceau très rock'n'roll, et après on va un peu calmer le jeu dans The Rocks. Driving Under the Influence of Love. Et quand on a aimé quelqu'un, quand on a vibré pour sa voix, et bien forcément quand on la réentend dans de bonnes conditions musicales, ça fait toujours quelque chose. Catch me. c'était Bryan Adams avec Driving Under the Influence of Love, tiré de son album sorti en 2019. Et vraiment, vraiment, un album très fréquentable de Bryan Adams. Si on enlève 3-4 morceaux un peu pourris, un petit peu pourris, eh bien ça reste un très bon album. Voilà encore une voix qui ressemble un peu à celle de Bryan Adams d'ailleurs, que j'avais idolâtré, mais alors vraiment à l'époque du premier album. L'album s'appelait Words Gets Around, il était sorti en 1997, je me souviens même de l'année, et ça avait été une claque pour moi de ce trio gallois qui avec son chanteur Kelly Jones, tout petit, plus petit que moi peut-être, qui envoyait du boudin, puisque c'était du rock vraiment énervé à la britannique, bien sûr, mais très très énervé, toutes les guitares dehors. Et à l'époque de ce premier album Words Gets Around, j'avais été séduit par la voix, par les compositions, par tous les morceaux inédits qui figuraient sur les singles. Vraiment, je me suis dit, voilà, c'est le nouveau groupe qui va me faire tomber. Deuxième album, pas mal. Troisième album, pas mal. Quatrième album, ouais, je l'ai écouté deux fois. Cinquième album, un peu perdu de vue. Puis un gros tube, Dakota, qui je mets bien, mais sans plus. Et puis j'ai arrêté d'écouter les albums des Stereophonics, puisque c'est d'eux dont il s'agit. Et ben là, par surprise, ils reviennent avec cet album. Alors quand on regarde la pochette, c'est peut-être la pochette la plus laide de l'année. On dirait qu'elle a été faite par un collégien de quatrième, ou cinquième plutôt, qui aurait séché un peu tous les cours parce qu'il avait la gastro la moitié du semestre quand même. C'est colorié à la main ou au pied, je ne sais pas. En tout cas, une pochette d'album assez étonnante, je ne comprends pas bien. Mais cet album des Stereophonics, alors, est quasiment tout acoustique, avec mid-tempo, c'est plus du tout les grosses guitares en avant. Ça met en valeur la voix de Kelly Jones, qui est toujours aussi fantastique et qui, oui, l'abeille ressemble un peu à celle des Rod Stewart des grands jours. Eh bien, les morceaux sont, à une ou deux exceptions près, tous absolument imparables. On les chantonne dès qu'on les entend la deuxième fois. Celui qu'on va se passer ce soir, qui s'appelle Make Friends with the Morning, ben voilà, on se voit bien tous. Si vous cherchez un morceau pour lâcher votre chope à Noël, on a rarement des chopes à Noël, mais ça peut arriver, et tous se prendre bras dessus et tous chanter à tue-tête à la fin du morceau, et ben voilà, c'est un hymne de pub, ce morceau-là. Make Friends with the Morning, donc des Stereophonics. Il n'y a rien acheté sur cet album, quasiment rien acheté. En plus, la version luxe, il y a des démos des mêmes morceaux, et la voix de Kelly Jones est encore plus remarquable. Et bien voilà, c'est vraiment un album qui vient d'arriver là, il y a quelques semaines, et qui m'a réconcilié par surprise avec les Stereophonics. Si vous aimiez les Stereophonics, du côté de Darvois par exemple, je le sais, et bien courez sur cet album, il est vraiment, vraiment super. Make Friends with the Morning. Je vous mets au défi de ne pas lever les bras à la fin du morceau et de les balancer un peu comme à la fin de Hey Jude. C'est parti, c'est un des meilleurs moments de l'année 2019. I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. You've been my man, tell me I'm not right. See, I'm a bad man, that don't feel right. I wanna wake up and feel better about me, but you make me feel you're my enemy. Won't you let me go? I wanna cleanse my soul. I wanna feel my love knocking on my door. Won't you let me go? Think I paid my dues. I don't know how to win, all I know how to lose. Oh, I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. Every time I open my eyes, I feel the whole world, oh, it's coming down. I get a glimpse just for a second, then I feel alright, before the rain pours in. I wanna take shelter from the storm. I wanna take love all the morn. I wanna wake up and make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. I wanna wake up. C'était les Stereophonics tirés de leur dernier album studio qui vient de sortir. Je vous conseille vraiment cet album. Un des meilleurs moments de 2019, arrivé par surprise à la fin de l'année. Et voilà encore un album qui est arrivé lui aussi un peu par surprise. Alors, pas vraiment la sortie de l'album, puisque ce monsieur sort un à deux albums par an. C'est Van Morrison, chanteur irlandais, chanteur des M dans les années 60. C'est lui, Gloria, Gloria, c'est lui. L'album Astral Weeks, qui est peut-être un des plus beaux albums de tous les temps, c'est lui aussi. La tête de cochon, les concerts pas très sympathiques, le gars qui cause pas beaucoup et qui cause surtout pas aux journalistes, c'est lui aussi. Le scientologue, c'est lui aussi. Mais il y a toujours cette voix fantastique de petit rouquin qui chante comme un grand noir. Voici donc Dark Night of the Soul, tiré de son dernier album. Alors les albums de Van Morrison sont, voilà, sympas, un petit peu album pépère. Et puis de temps en temps, il y a une perle qui sort comme ça. C'est le dernier album, il est vraiment très beau. Et surtout ce morceau, Dark Night of the Soul, où il y a une sorte de grâce inexplicable. On ne sait pas à quoi ça tient, ça dure un peu plus de 5 minutes. Et vraiment, c'est un enchantement. Et pour moi, ça a été un des meilleurs moments de l'année 2019. Vous allez me dire, ça fait pas dans les jeunes groupes qui démarrent. Bah non, mais en même temps, c'est ce qui m'a touché cette année. Voici donc Van Morrison, Dark Night of the Soul. Vous êtes dans The Rocks et vous avez bien raison. Emptiness, don't stop the longing. Something new or something old. I'm on my way to understanding things that I might yet not know. In the dark night of the soul, in the dark night of the soul. Sitting here above that planet. Well, they tried to match the man who's gone astray. Standing here on the landing, looking at a brand new day. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark night of the soul. In the dark. C'était le vieux Van Morrison, toujours très vert et plus beaucoup de cheveux roux, un petit peu sous le chapeau, hein. C'est un peu dégarni, mais la voix est toujours là. C'était évidemment Dark Night of the Soul. Et puis il y a des jeunes musiciens qui reprennent un peu le flambeau de Van Morrison, c'est-à-dire qu'ils arrivent à développer des mélopées comme ça, sans vraiment refrain, couplet. On se laisse vraiment aller, comme à l'époque d'Astral Weeks. C'est le cas de Liv Volbeck, le Québécois de Montréal, qui nous a livré encore une fois un album fabuleux. Alors lui, il a pas fait de mauvais album, et il y en a un qui est sorti en 2019, c'est son quatrième je crois, avec ce morceau Transatlantic Flight, mais on aurait pu se passer n'importe quel morceau de l'album. Tout est beau, tout est magnifique. On va quand même se passer ce morceau où il y a du name dropping, puisque Julie Delpy est citée dans un morceau. J'aimerais bien être citée dans un morceau de Liv Volbeck, moi, ça me ferait plaisir. Liv Volbeck, donc, avec Transatlantic Flight, et c'est vraiment une des perles de l'année 2019. Come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you. You look good when you're tired. Come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you. You look good when you're tired. Come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you. You're good when you're tired on a transatlantic flight. Before sunrise, I'm dazed and confused, just like Julie Delpy. Like Lea Seydoux, I wanna see you roll your eyes. Televised interview, I wanna make you mine. I wanna make you mine. God's hand at work in the clouds, you navigate in the crowds. Of the festival, light-hearted, heavy-hearted too. It's something I wouldn't put my worst enemy through. Now I'm looking at the sun through my eyelids. My eyelids. Now I'm drifting in the astral plane. When will I see you again? Are you drifting in the astral plane? When will I see you again? So why don't you come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you. Look good when you're tired, look good when you're tired. Come on, come on, come on over, start talking to me. One thing I can tell you. Look good when you're tired. Trains and land of flight. Transatlantic flight. you. Come on, come on, come on over. Start talking to me. One thing I can tell you. Look good when you're tired. Come on, come on, come on over. Start talking to me. One thing I can tell you. Look good when you're tired. On a transatlantic flight. À l'instant, c'était Liv Volbeck, donc vraiment un des meilleurs albums de 2019 qu'on s'est beaucoup visité dans On The Rocks. Car ce soir, c'est le thème dans On The Rocks. On regarde dans le rétroviseur, on y voit quelques guirlandes, quelques boules et surtout des très très bons albums. Et une des révélations, ça a été une révélation que j'ai eue sur scène. Alors, je n'étais pas sur scène, moi j'étais dans la salle. J'étais dans la salle du conservatoire à Orléans. C'était lors du festival au pop-up qui a lieu tous les mois de septembre et qui nous réserve de bien belles surprises. J'avais découvert Blic Bassi comme ça au pop-up. Et bien là, cette année, j'ai découvert ce duo tourangeau qui s'appelle Grande, avec pas encore d'album à leur actif, mais quelques EP et une sensibilité magnifique. Gabriel à la voix et à la guitare, et puis un violon pour l'accompagner. Et bah c'est enchanteur. Ça peut évoquer parfois la voix de Moriarty. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. Voici donc le morceau Eastern Boy tiré de du EP de Grande. Et bah j'espère qu'on les aura un jour bientôt dans les studios. C'est parti. C'est vraiment une découverte de l'année. Hiding from you, since I came back, I would have crushed my pain against you. Eastern boy, don't be proud. And no matter your pretty face, you've been acting like a coward. Your heart is doomed in that disgrace. You know nothing will go the same. keep my head up, as if the wind weren't so high, and I'll stop listening now. The sad complaint of my hurt pride. So don't you let me go away. Catch me before I pray for it. Cause when I live in that plane, you know nothing will go the same. So I know it's alright to leave, to say goodbye to the one I love, cause sometimes love is not enough. Sometimes love is not enough. Sometimes my cards on the table was ready for the battle. Lord, show me the path to get over this man. Lord, there is no doubt I can't put him aside for now. Ready for the battle. Le morceau qu'on vient d'entendre, c'est aussi une des grandes, grandes révélations pour moi de cette année 2019. Oui, c'est ça qui vient de se terminer. Elle s'appelle Bobby. Elle était en première partie de J.S. Andara. Alors là, c'est la version tirée de son single An Elegy For. Mais sur scène, elle est simplement guitare-voix. Et alors, j'ai été transporté de bonheur par cette demoiselle. Non, pas du je passe simplement parce qu'elle était jolie. C'est pas vrai. C'est parce que justement elle chantait vraiment très très bien, Bobby, et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va donner par la suite. Voilà, avec je l'accueillerai avec plaisir dans ses studios si elle veut venir gratouiller de sa guitare. Elle a une voix d'une maturité impressionnante. Je vous conseille d'aller la voir sur scène toute seule avec sa guitare, ça vaut le déplacement. C'était donc Bobby, une des révélations de cette année. On en reparlera bien sûr en 2020 dans The Rocks. Et puis je vous le signalais, elle était en première partie de J.S. Andara, qui a lui sorti aussi son premier album en 2019. Ce jeune chanteur qui vient du Kenya, de Nairobi, et qui est arrivé aux États-Unis pour suivre les traces de Bob Dylan. Alors je lui souhaite une carrière à la hauteur du petit Zimmerman, mais en tout cas elle démarre très bien cette carrière, et il a très bien commencé son concert, puisque il y avait du brouhaha. Je l'ai raconté ici même à l'antenne, évidemment à l'Astrolabe, dans le club là où il y a le bar, bon, ça parle toujours un peu. Lui, il était sur la grande salle. Il arrive avec sa guitare et il commence à chanter, et plus un bruit, plus personne ne parlait, ni dans la salle ni dans le bar. Et ça, c'est quand même très très rare, surtout que voilà, une voix a cappella comme ça, pour passer par-dessus tous les gars qui picolent, eh bien il faut avoir un sacré talent. Il en a un sacré talent. Voici donc J.S. Sandara avec le morceau qui termine son album de 2019. Mais tout est beau sur cet album. Ça s'appelle God Bless America, et c'est dans les meilleurs moments de 2019 dans The Rocks. Will you let me in? Or are you at capacity? Will you set me free? Are you holding on to history? Will you be sincere? Are you averse to honesty? Will you dare to hear those children marching on the street? Oh, God bless America, the heartache of mine. Oh, God bless America, the heartache of mine. Will you let me bring? Isabella here from Nairobi. On the phone she was ill, and so was the economy. In 50 years, when I'm frail, barely on my feet, will you be kind, old you, like you promised at the embassy? Oh, God bless America, the heartache of mine. Oh, God bless America, the heartache of mine. When the time it is sweet, it won't matter who your God is, or the tone of your skin, or who you choose to share your love with. Oh, God bless America, the heartache of mine. Oh, God bless America, the heartache of mine. Et oui, en 2019, on a eu la chair de poule aussi pas mal dans The Rocks, avec des très belles voix, comme celle de J.S. Sandara à l'instant, et puis évidemment une voix qu'on a retrouvée, puisqu'il est passé plein de fois dans The Rocks, deux interviews en l'espace d'une quinzaine d'années, dont une émission spéciale vraiment très belle que je vous conseille de réécouter sur ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. C'est Pierce Faccini qui est arrivé avec un EP à la fin de cette année 2019, avec des morceaux assez classiques dans leur structure, et puis ce morceau Hope Dreams, classique lui aussi, mais avec une voix, la voix de Pierce Faccini, c'est-à-dire une voix qui nous transporte. C'était vraiment un des très très beaux moments de cette année 2019. Voici donc Pierce Faccini avec Hope Dreams. Hope Dreams, Hope Lies, while reality sleeps. Hope rings, hope plays, till the wrecking ball spins, till the wrecking ball spins. And it cuts just like a knife, rolls on like a tear to bleed down my cheek. And it pulls just like a gun, firing straight to the heart, a black hole inside, leaves a black hole sobriety's out. Hope swears how it swears that tomorrow will come, that tomorrow will come. Like a flame, brings fear to the bone, finds the fire inside, and I rage against the hope, yelling under my skin that you love me. The light to drown out this spark. Now I've spread out all the seed, yet now done under my tongue, so no flowers will come. No, no flowers. Spell is a C'était Pierce Faccini, évidemment, avec Hope Dreams, un morceau fantastique tiré de son dernier EP. Il y a eu un autre très beau moment. C'était pas plus tard que la semaine dernière. Il y a 15 jours. La semaine dernière, c'était avec Sylvain, c'était toujours formidable. Les Battle on the Rocks. Mais c'était la semaine précédente. Il y avait Mathias Ten dans ses studios. Il nous a joué des nouveaux morceaux qui figureront peut-être sur son prochain album. On a eu cette chance-là d'avoir la primeur. En particulier ce morceau qui s'appelle Behind You. C'est le premier morceau qu'il a joué ici même dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et c'est une vraie petite merveille. Donc c'est pour moi un des très très beaux moments et un des très beaux morceaux de l'année 2019. Voici donc Mathias Ten live ici, live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans On The Rocks, avec ce fantastique morceau Behind You. Even when the dry wells of black honey overflow into the winter starlight, and their stars know they're at last entities. Near, but I cannot believe. leave you when I call, the calling begins. C'est Susan Stevens qui s'amuse derrière. C'était Mathias Stein donc avec Beyond You, morceau qu'il a joué ici même dans On The Rocks à ses micros. Les morceaux joués live par Mathias Stein dans les studios sont à retrouver sur le site ontherocks.net dans l'onglet live. Et puis voici donc un autre morceau qui va faire plaisir à Dudu, je pense, de l'autre côté du poste. C'est quelqu'un qui nous vient du froid, c'est un Islandais, il a une tête de viking, mais il chante avec la sensibilité de temps en temps d'un folk singer et de temps en temps d'un soulman. Il revient donc avec un album cette année 2019, et il y a un morceau sur cet album qui est absolument délicieux. Le chanteur, c'est Junius Mavent, qu'on avait découvert, merci Mathieu, à l'Astrolabe, il y a quelques années. Et bien, sur cet album, il y a un morceau qui s'appelle Punch Through the Night, qui commence guitare acoustique tranquillement, et puis le clavecin vient tout bouleverser, car oui, 2019 a aussi été une année clavecin, et sur ce morceau, et bien c'est absolument imparable. Voici donc un grand, grand morceau de l'année 2019, Punch Through the Night, un morceau un peu en trompe-l'œil, mais qui rend heureux. Let me love again, help me clean my dirty window. Punch through the night, I need a glimpse of light to get out. Old jokes aside, I'm not trying for dirty waters. Keep on for my pride, I need to win the fight to go on. Cause I'm all dried out. I got no more love to give. Yeah. Junius Maivant à l'instant dans les meilleurs moments de 2019 avec Punch Through the Night. Et puis il y a eu un morceau qui moi m'a scotché sur un album qui l'est moins scotchant. C'est l'album de Half Moon Run qui avait donné une interview il y a quelques années à On The Rocks également. Groupe québécois de Montréal qui était promis un grand avenir. On voyait en eux la prochaine grande chose du rock'n'roll. C'est un peu retombé par chez nous. Alors probablement que du côté du Canada c'est toujours aussi haut. Ils ont sorti un album qui n'est pas très surprenant parce que ça ressemble à du Half Moon Run tout simplement. Alors c'est bien, c'est sympa, mais on n'est pas très surpris à part un morceau qui se situe pratiquement à la fin de l'album. Ce morceau s'appelle Yannis Sang et il est vraiment différent de ce qu'ils font d'habitude. C'est acoustique, il y a une guitare, voilà, ça peut rappeler aussi Simon et Garfunkel un petit peu ce début de morceau. Et puis il y a des harmonies vocales qui surgissent d'on ne sait où et hop, ça reprend le moment folk. Il y a vraiment deux mouvements dans ce morceau et pour moi il est absolument magistral, assez casse-gueule sur un fil, mais magistral et magnifique. On se passe donc ce morceau qui moi m'a vraiment ému cette année. Ça s'appelle donc Half Moon Run et le morceau c'est Yannis Sang. You keep burning me like you do your bridges. You rip me open, sew me up, and then you tear out the stitches. I don't want to know what happens when you go. You'll find out that I found out, now tell myself I told you so. Everyone just wanted to love you. A sign of your respect, an ounce of truth. Now everyone just wants to cut you loose, to stop and lick their wounds. It's late at night and I shouldn't be, but I call you from the city. Say where you are, it's nice and bright and I should come, but I'm so busy. I won't want to know the reasons when we meet, for why you feed that cycle you cut you loose, to stop and lick their wounds. Change are coming soon, change are coming soon. À l'instant, c'était donc Half Moon Run avec Yannis Sang. Bien sûr, Bruce Springsteen a sorti un album cette année. Allez, si on a le temps, se passera le Hitchhiking, mais voilà, cet album violonneux de Bruce Springsteen est un bel album, mais voilà, ça fait pas partie de mes grandes émotions de l'année 2019. Je me réserve pour son album de 2020 où il va revenir avec le Street Band et à mon avis, ça va être bien mieux. Par contre, il y a quelqu'un que j'ai toujours vraiment eu plaisir à retrouver. Alors, Bruce Springsteen aussi, bien sûr, mais c'est tellement au-delà du petit coup de cœur de l'année 2019. C'est le coup de cœur de ma vie, hein, quasiment, Bruce Springsteen. Eh bien, c'est Aldous Harding qui est revenu avec un album plus pop, plus produit, moins bizarre, moins introspectif, moins vibrant à vrai dire que The Party, mais qui reste quand même un bon album qui a été annoncé par ce morceau The Barrel. Et ben on va se passer quand même Aldous Harding parce que Aldous Harding c'est toujours vachement bien et sur scène c'est toujours à la fois magnifique et à la fois un petit peu flippant quand même. Elle fait des trucs un peu bizarres avec sa tête. Aldous Harding donc The Barrel et c'était une des bonnes surprises de l'année. Oui, j'ai tout ça à l'antenne. I feel your love. Désolé, Aldous. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and we are the nut. The ties or a hand are choked off the barrel. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite. Read with me. I hear a song from inside the maze, the very one you made. You shook at the ivory mantle. As a poet, I knew to be gentle. When you have a child, so begins the braiding. Stay. Look at all the peaches. Getting let alone the barrel. C'est Aldous Harding donc en 2019 avec The Barrel. On se passera pas Michael Kiwanuka, pas le temps. Bruce Springsteen non plus. On reviendra en tout cas dans The Rocks dès début 2020. Je vous souhaite une bonne soirée avec la Radar du Sport. On va se terminer avec un morceau qui a failli me rendre sourd. Un concert où le son était très très fort. Pas de boule quies pour les auditeurs. J'ai rétractation de tympan. C'était moyen pour commencer les grandes vacances du mois de juillet. Et pourtant le concert était très bien et l'album est super. Ça s'appelle Robert John and the Rake avec Makes Me Wanna Yell. On va se terminer là-dessus pour mettre un peu de patate avant d'être à la Radar du Sport. J'ai récupéré mes tympans, c'est une bonne nouvelle. Donc je peux à nouveau écouter ce morceau. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, bonne année, joyeuse Pâques, galette des rois. Et je vous retrouve donc début janvier avec On The Rock. C'est plein de choses à venir pour l'année prochaine. Je vous laisse dans les bonnes mains de Rémi. C'est parti.